Les yeux emplis de larmes, Marcel Clermont contemple les grandes bottes noires posées négligemment devant la petite porte d'entrée en bois. Assise, en face des chaussures cirées, les mains sur les genoux, elle pense. Elle pense à de nombreuses choses, les visages contrariés, les disputes, l'imminent départ. Les yeux rivés sur les bottes, elle écoute, attentive, les divers sons qui lui parviennent étouffés depuis le petit salon. Des bruits de pas, agités et énervés, des sanglots, des cris. Une voix de femme s'élève clairement, d'abord forte, mais elle s'affaiblit au fur et à mesure avant de se transformer en pleurs déchirants. Les yeux fermés, Marcel tremble. Elle a 5 ans et n'a jamais entendu sa mère pleurer. Soudain, une main bienveillante se pose chaleureusement sur son épaule frêle. Son père la regarde, un air triste flottant sur son visage. Derrière lui, les bottes, les talonnettes posées fièrement sur le sol, narguent la fillette qui leur adresse un regard noir. Les yeux plongés dans ceux de son père, Marcel laisse couler une larme. Elle a pourtant promis qu'elle ne pleurerait pas, qu'elle serait forte et courageuse. Mais, devant le regard profond de cet homme, en uniforme militaire, qui s'apprête à quitter son foyer et qui se penche une dernière fois vers sa fille pour lui faire un ultime adieu, elle oublie sa promesse. Il la prend dans ses bras, elle passe les siens autour de son cou, pose sa tête sur l'épaule de son père. D'autres larmes coulent. Les yeux embués, Marcel voit flou. Elle parvient pourtant à distinguer son père en filant la paire de chaussures. Il se relève, embrasse sa femme une dernière fois. La porte s'ouvre. La dernière chose que la fillette parvient à distinguer, ce sont des bottes noires. Des bottes noires, emportant son père vers un avenir chaotique.